France Inter, le 13-14. Les relations complexes entre Russie et Turquie, c'est le vif de l'histoire aujourd'hui. Alors que depuis le début de la guerre en Ukraine, Ankara joue un rôle important dans le volet diplomatique de la crise. Point géographie d'abord, pour ces deux pays entre Europe et Asie. La mer Noire, elle baigne les côtes ukrainiennes au nord, russes au nord-est et turques au sud. Turquie qui par ce biais, via les détroits, peut ouvrir ou fermer l'accès à la Méditerranée. J'ai pas dit de bêtises pour l'instant, Jean-Lebrun. Non, vous avez bien zoomé sur la zone difficile. Enfin, les deux pays peuvent collectionner des zones de friction possibles innombrables en Méditerranée, en Syrie particulièrement, plus récemment en Libye, dans le Caucase évidemment, en Asie centrale aussi, mais Moscou et Ankara ont pris l'habitude de compartimenter les risques et vous de zoomer. Donc, la mer Noire. La Russie a toujours désiré que la mer Noire soit à la crue, le plus possible fermée aujourd'hui aux Ukrainiens. La Turquie la considère comme sa mer du Nord. La Russie a besoin de l'accès aux mers chaudes, Égée, Méditerranée, mais la Turquie tient les détroits, les Dardanelles et le Bosphore. Aussi, l'Ukraine est-elle infiniment reconnaissante à Erdogan d'avoir, de suite après l'invasion, fermé les détroits aux navires militaires russes qui n'ont pu venir en renfort à l'assaut aérien et terrestre. Parce qu'autour de cette question des détroits, les conflits menacent toujours. Les chiffres diffèrent selon les historiens, mais depuis le XVIe siècle, le sujet aurait provoqué directement ou indirectement 11, 12, 13 guerres entre la Turquie et la Russie. Oui, mais c'est parce que vous voyez le mauvais aspect des choses. L'interdépendance des deux pays est telle qu'on peut compter 11, 12, 13 paix. Oui, l'an prochain, la République turque va fêter son centenaire, 1923, alors qu'elle n'était pas encore bien établie, elle avait, dès 1921, signé un traité d'amitié avec la jeune URSS. En fait, les deux pays n'ont plus été en guerre ouverte depuis un siècle. Il est même prouvé que les plus graves incidents entre eux peuvent être surmontés assez facilement. 2015-2016, un avion de chasse russe est abattu par les Turcs, qui l'accusent d'avoir violé leur espace aérien. Puis, c'est l'ambassadeur russe qui est assassiné par un individu en uniforme turc. Mais en cas de crise, Poutine et Erdogan finissent généralement par se joindre, voire se rendre visite avant que la situation dégénère trop. Ils s'entendent personnellement assez bien. Ils sont tous deux nostalgiques des empires dont ils descendent et ils estiment que leur, comment dire, stabilité au pouvoir est nécessaire à l'histoire. Et quand un coup d'État se prépare contre Erdogan, Poutine l'en avertit alors que les Occidentaux restent muets. Et jusqu'en mars, Poutine pouvait espérer entraîner Erdogan très en avant dans son jeu. Oui, la création de nouveaux couloirs énergétiques qui contournent l'Ukraine favorisait la Turquie, tout en accentuant sa dépendance. Le tiers du gaz consommé par la Turquie, 80 millions d'habitants, est de provenance russe. À terme, Poutine souhaitait entraîner Erdogan vers l'organisation de coopération de Shanghai, qui esquisse une alternative eurasiatique à l'espace européen. Mais pour l'heure, 60% des échanges commerciaux de la Turquie se font toujours vers les pays de l'OTAN et Erdogan ne peut pas changer de cap aisément. Alors il n'a pas d'autre choix que de prolonger un jeu de bascule. Un coup dans un sens, pour faire plaisir à Poutine, un coup dans l'autre sens, pour rassurer les Occidentaux. Et il se présente, ou présente son pays, la Turquie, comme un carrefour. Ben, un carrefour de labyrinthe, peut-on dire. On cesse de parler du pont, vous savez, avec un P majuscule, du nom que les Grecs donnaient à la mer Noire. On peut parler aussi de façon plus moderne de la Turquie comme d'un hub. Pensez au rôle de Turkish Airlines. La Turquie voudrait en fait en permanence tenir table ouverte de négociations. Et Erdogan, dont l'électorat s'émiette, peut tirer de nouveaux avantages d'une indétermination qu'il cultive. Alors son dernier coup dans la partie, alors qu'il avait soutenu une possible entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, il dit maintenant refuser celle de la Suède et de la Finlande qui inquiète, lui délègue aujourd'hui des émissaires, vous en avez parlé. Le sultan des deux mers, Noire et Égée, ben, il est prêt à ouvrir des négociations avec les pays de la mer Baltique, notamment sur le thème de la présence des Kurdes en Suède. Et on peut se référer à ce livre, Russie-Turquie, un défi à l'Occident, c'est sous la direction d'Isabelle Facon, c'est aux éditions Passé Composé. France Inter.